Y'avait personne dans ma vie quand fallait que je slaye le dragon. J'ai craché dans cette weed, puis j'ai remis mon pantalon. Mon respect n'a pas de prix, si tu fuck up y'aura pas de pardon. Ouais, j'pète un petit chablis si jamais je vois que ça tourne pas rond. Est-ce que tu sais ce que j'ai traversé? 11 piges, j'aurais dû dalle, camion m'a renversé. Pourquoi ressasser? Pourquoi me gaslight? C'est la même chose, même si tu veux inverser. Mouvement en 3 temps, j'fais que des solos, 1 milli de stream. Si tu veux voir les stats, t'aimes à la valse. Si le mandat dure 3 ans, profite au max. J'devrais être sponsor par un casino. Roulette, poker, je joue ma vie, c'est le keno. Tu me fuck up, je fuck back. Il faudra t'accroupir. Des ennemis, j'en ai trop plus que 20 uno. Poto est silencieux, attends-toi au pire. Freelance le week-end avec mes amigos. Me bats pour les indés, ils veulent me plumer. Espère que je sois le dernier. Je me bats comme les indiens, ils veulent me plumer. Espère que je sois le dernier. Je suis un mohican. Les loups sont cachés jusqu'à ce que je leur dise quand je fais sauter la banque. Maintenant elle veut M ou jusqu'à je glisse. On dirait la banquise. Genre de mon igloo, d'un coup il caille. Ouais, si je slay un dragon, je fais un collier d'écailles. Je le vends pas le prix, vaut plus que la maille. Y'avait personne dans ma vie quand fallait que je slay les dragons. J'ai craché dans cette weed, puis j'ai remis mon pantalon. Mon respect n'a pas de prix, si tu fuck up y'aura pas de pardon. Ouais, j'pète un petit chablis si jamais je vois que ça tourne pas rond. Y'avait personne dans ma vie quand fallait que je slay les dragons. J'ai craché dans cette weed, puis j'ai remis mon pantalon. Mon respect n'a pas de prix, si tu fuck up y'aura pas de pardon. Ouais, j'pète un petit chablis si jamais je vois que ça tourne pas rond.